Vous avez écrit sur le catch, le steampunk, maintenant sur le fantastique et les gens en réseau ainsi que l'écologie. Hasard ou opportunisme? Les deux, mon capitaine. Moi, en ce moment, je fais de l'écolo fantastique. J'aime bien me dire que des chimères existent, il y a des zones d'ombre sur Terre, que ces zones se resserrent comme peau de chagrin et qu'il faut les sauver. Voilà, c'est ma petite idée du moment, ma lubie. Donc, pour l'instant, je suis là-dedans. Après, ce sera autre chose, mais je m'y attache. Vous étiez dans des trilogies, vous passez donc à l'heptalogie. C'est un pari risqué et long. Ouais. Mais pas tant que ça. Il suffit d'avoir un scénario global pour 7, se dire que les personnages peuvent tenir la route sur 7 tomes. Et puis après, c'est bon. Après, il faut que l'éditeur reste engagé dans l'affaire. A priori, il le restera parce qu'il est sérieux. Mais une fois que tous les éléments sont réunis, voilà, à part que je meurs foudroyé ou d'un AVC, on y arrivera. Quand on est auteur et qu'on écrit des livres qui vont du one-shot à l'heptalogie, on joue avec les nerfs du lecteur, surtout un thriller. Mais l'auteur est aussi son propre lecteur. N'est-ce pas un peu schizophrénique, voire démoniaque, tendance sadomaso? Totalement. Là, je valide complètement. Là, avec l'heptalogie, donc 7, j'en ai pour une bonne année et demie à venir pour écrire les 4, 5, 6, 7 et je pète un peu les plombs. Mais c'est bien aussi de péter les plombs. On reviendra à des sujets plus calmes et plus tard. Rajoutons une couche avec votre définition du thriller. Nous sommes censés mentir à des lecteurs consentants et les malmener. Oui, faut les malmener, faut les attraper, faut les frustrer. Mais le lecteur est effectivement consentant, c'est la base. C'est le lecteur qui est masochiste, c'est pas l'écrivain. L'écrivain n'est qu'un sadique. Absolument. Voilà. Moi, je suis du bon côté du bâton. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes censés mentir, ce qui veut dire qu'il y a peut-être de la vérité derrière. Oh, la vérité est ailleurs, etc., etc. Mais les lecteurs, ils savent bien que bon, le fantastique, on n'a pas vu d'extraterrestres, on n'a pas vu de fantômes. Le 777 a été retrouvé. Et bon, après, si on peut plus jouer avec l'imaginaire, autant mourir.